Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour, cet air me rendra folle, 100 fois j'ai voulu dire pourquoi. Mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Palam, palam, palam, il arrive en courant derrière moi. Palam, palam, palam, il me fait le coup de souviens-toi. Palam, palam, palam, c'est un air qui me montre des doigts, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur, il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y'a pas de raison que tu ne pleures pas avec tes souvenirs dans les bras. Et moi je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre mes gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui bat toujours. Palam, palam, palam, dès je t'aime de 14 juillet. Palam, palam, palam, dès toujours qu'on rachète au rabais. Palam, palam, palam, dès veux-tu, on va la par paquet. Tout ça pour tomber jusqu'au coin de ma rue, sur cette air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il me fait, comme si tout mon passé défilait. Palam, palam, palam, faut garder des chagrins pour après. J'en ai tout un solfège dans cet air qui bat comme un cœur.